every canoe coming through. Play that shit. Every canoe coming through. Play that shit. Every canoe coming through. Play that shit. Every canoe coming through. Play that shit. Every canoe coming through. Play that shit. Every canoe coming through. Play that shit. Every canoe coming through. Play that shit. Every canoe coming through. Play that shit. Every canoe coming through. Je sors direct de la ville de fou, de la ville de Vienne à la ville des ouvriers. Et si tu me cherchais, pas difficile de me trouver. On reste près du bled au texte, on reste fidèle à nos racines. Investi dans ce qui me fascine, la vie peut être tellement facile. Et malgré les magouilles, j'assassine, je m'entame. Me porte bien, il me faut des pots, le sport des nautica. Politiquement incorrect, comme si je sors dans la rue et je crie cigarette. Mes textes c'est comme des freestyle écrit, je suis identif. J'ai goûté une partie du gâteau, ça m'a donné l'appétit. C'est la base à mon petit, comme True Records. Tu ne pourrais pas nous tester par terre où tu restes. Si tu veux venir, plus rien peut retenir à la force de frappe sur le torche de carte. Mais putain de merde, d'où je sors ces phases de dingue. Vous êtes une bande de nazes. Ces rappeurs c'est comme des vieilles mères, tout dur mais dedans ils sont tout mous. Word up. Floré n'est pas ta mère qui pue. De tes mauvaises habitudes je te destitue. J'ai l'esquisse la tête du médiac. J'ai bout de génial sa poulet. Moi c'est Africa in effect. Fuck ta mère, pédaché d'artistique hein. Foudroyant amnésique, j'en connais les pronostics. Ouais, on chill, on soit, on taffe nos sons. Pas de mauvais ondes, garçon corsé dans nos sons. Que du pur underground ah. Je me laisse emporter, tempo envoûtant. Je prends mon temps quand il s'agit de kicker le beat. Check les mouvements acrobatiques. Dans ma sec, vos des bondes afro-hostiques. Que du mystique, les sortilèges sont lancés. L'idée du destin nous disent d'avancer. Mais pour l'instant la poussière dans mes poches me pique les yeux. Je taffe d'une façon meurtrière comme un mafieux. Pied dans le bloc de ciment, tu peux nous faire tes actes. Posé dans une RS4 maniée. Le volant comme Alonso Fock. Le bronze on veut de l'or. Le gros l'ont gagné. Sans transpirer c'est chaud. Mais faut qu'on fasse la course. Qu'on poursuit le parcours avec ou sans raccourci. Bousille tout ce qui nous suit. Ce coup-ci la concurrence aura des soucis. Technique avec des experts sur la caisse claire. J'en perds plus vite que mon oncle dans ce western. Infesté de cafards qui veulent croquer ma part du gâteau comme des bâtards. Y'en a marre, sérieusement j'ai la dalle. Pas qu'un petit creux, je veux voir mon nom gravé sur des titres. Comme à l'école mon pupitre fini l'âge de faire le pitre classe. Maintenant je place mes phrases en pole position. Physique, mental, bonne condition. Lyrique, altruiste, rentre en mission.